Du 18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au Club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le Club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. Voici votre plus récent bulletin d'information, le sport local et régional, au microphone Danny Veilleux. On va ouvrir le bulletin de sport local et régional d'abord en parlant qu'il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues de soccer. D'abord, Roberval a battu Métabetchouan. Et dans la U16 masculine, le Boreal d'Alma a défait Delboom Stassini 6-0. Maintenant, au deck hockey à Saint-Prime, le capitaine Bob a défait les Warriors 5-3. Gain des Old Panthers par le pointeur de 6-4 sur les Panthers. Intersport a défait les Vétérans 5-4 et Eat for Beer a défait les Wonder Woman 6-1. Au baseball, il y avait deux petits matchs au concours hier entre Normandin et Saint-Félicien. Normandin a gagné 9-3 dans la première partie et ont aussi gagné 6-3 contre Saint-Félicien. Et en fin de semaine, c'était la Ligue la deuxième tranche de la Coupe des Champions. Et il y avait des matchs, des joueurs qui ont quand même fait des belles performances. En classe A, la victoire est à la Nelson Elkemoum, avec un pointage de 76. Classe 2B, Jeff Richer, pointage de 78. En classe B, un gain de Normand Baudry. Et en tout et partout, il y avait 24 joueurs qui étaient là pour la circonstance. Le sport local et régional, à danradiosport.com, on s'en occupe.